Et yo, la peur, on la connaît tous. Celle qui te laisse sans voix, qui traîne dans le noir, puis qui t'accorde des doutes. J'cogite tous les soirs, c'est la même scène. Vais-je réussir à vaincre mon seul adversaire? Je le regarde dans le blanc des yeux tous les matins. Il fait signe que tout va bien. Triste farce, folie coup d'état dans ma tête, stress. Puisque ce qui nous affaiblit nous tue à plus de flammes. J'ai peur de voir le temps passer, ne pas grandir. C'est sur le moment d'en prendre un autre chemin. Je navigue en plein brouillard et yo, ça me fait peur. Ça me fait peur, je répète, ça me fait peur. Pour commencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. De voir ma sœur en pleurs devant deux cercueils. Ces résultats docteur, en combien de jours c'est le deuil. Avoir des regrets quand je serai papy. Se dire rien à foutre, tout ça est parti. Avoir une maladie incurable. Avoir un mode de vie bien plus crade. Devoir planter les flingues sur moi. Plus faire la diff du bien du mal. Ils nous font voir le pire car ils gardent le meilleur. Les éclats de rire rares font place aux frayeurs. Ils nous laissent la pillave, nous pénalisent. Grave on est gay, la fils, ça on est que des artistes là. Dépassés par les événements, nos vies sont des vrais polars. Égarés, placés sévèrement on tease comme des vrais polars. Je me suis assez montré, maintenant je file comme un kleptomane. Mais comme tout le monde en 2015 je flippe, choper les bolas. J'ai peur d'y laisser mon âme et peur d'y laisser mon amour. Peur d'y rester mes amis, peur d'y laisser mon blague. J'profite sous mes ongles, y'a plus de shit. Y'a plus que des putes et sans répute et putain de trucs tristes. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. On étalera nos rimes en mélangeant des mots. On n'est pas de ceux qui se valorisent en descendant les autres. Fidèle à nos vies, évite la folie. Canne floche royale de trèfle, allez all in. Joli tsunami, les rimes se posent, la foule rapplique. L'amour ça pique comme une épine de rose, pensif sous la pluie. Je vais acheter le monde mais il me reste 6 euros et 10 euros. Une tant pis, on a toute la vie. Comment manger sans les thunes? Je sais plus si l'erreur est humaine ou si l'humain en est une. Dévier, méditer, rectifier le tir. Vider la taille dans l'évier pour éviter le pire. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'aimerais tout recommencer, j'ai fait un tas d'erreurs. Malgré ça, j'avance en laissant parler le cœur. Et puis un jour ou l'autre, tu te m'as marché seul. Et yo, ça me fait peur, et yo, ça me fait peur. J'ai peur de voir le temps passer, ne pas grandir. C'est sûrement le moment de prendre un autre chemin. Je navigue en plein brouillard, et yo, ça me fait peur. Ça me fait peur, je répète, ça me fait peur. Je répète, ça me fait peur.